La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Bonjour et bienvenue dans la tête au carré. Pour ce dernier jour de l'année, nous vous proposons de partir loin dans l'espace et le temps, contempler les étoiles, les pulsars, les quasars et autres supernovas, une balade interstellaire pour réfléchir à la façon dont tout a commencé et prendre la mesure de tout ce qui échappe encore à nos télescopes et à notre compréhension. Pour nous accompagner dans ce vagabondage cosmique, nous aurons un guide de choix, l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan, qui vient de publier le dictionnaire amoureux illustré du ciel et des étoiles, coédité par Grund et Plomb. Nous sommes en direct et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science, aujourd'hui, diabète et microbiote, nous verrons avec Caroline Tourbe que les bonnes bactéries qui vivent dans nos intestins et qui constituent le fameux microbiote pourraient aider à lutter contre le diabète de type 2 qui touche près de 3,5 millions de Français. Un essai original va débuter en 2019. Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisé par Clément Nouguier et préparé par Sophie Vaux. La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Bonjour Trinh Xuan Tuan. Bonjour. En 2004, vous avez découvert à l'aide du fameux télescope Hubble la plus jeune galaxie connue de l'univers à ce jour. À quoi ressemble-t-elle cette galaxie? Vous savez, c'est une galaxie naine, donc 10 fois moins massive que la Voie lactée. Elle comporte au lieu de 100 milliards d'étoiles, peut-être 10 milliards d'étoiles. 10 fois plus petite aussi. Mais ce qui la caractérise, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'éléments lourds. Et quand il n'y a pas beaucoup d'éléments lourds, les éléments lourds étant fabriqués par les étoiles, ça veut dire qu'elle n'a pas fabriqué beaucoup d'étoiles précédemment. Donc, c'est une galaxie jaune en train de naître, une galaxie bébé en quelque sorte. Oui, bébé galaxie, mais elle a déjà quel âge, cette galaxie? Les plus vieilles étoiles, moi je dirais la majorité ont de l'ordre de 1 milliard d'années quand même. C'est on parle d'échelle cosmique, mais c'est très très jeune par rapport à l'âge de l'univers qui est 13,8 milliards d'années ou 14 milliards d'années. Vous vous présentez comme un recueilleur de lumière, c'est ça l'astrophysique? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, l'astrophysique est la seule science où on peut pas faire d'expérience en laboratoire. On peut pas concocter des étoiles dans des éprouvettes ou reproduire l'énergie du Big Bang en laboratoire. Donc, une des voies principales de communication de l'homme avec l'univers, c'est par la lumière. Ouais. Nous partons pour un vagabondage cosmique avec l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan dans la tête au carré cet après-midi. Pour lui adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Bonjour Caroline Tourbe. Bonjour Daniel. À la une de la science aujourd'hui, soigner le microbiote pour soigner le diabète. Oui, nous sommes en ligne avec le docteur Hubert Vidal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire Carmen à l'INSERM de Lyon et vous venez de recevoir le prix de la Fondation francophone pour la recherche sur le diabète. Vous vous intéressez tout particulièrement au microbiote. Que sait-on au juste du lien entre les bactéries qui peuplent nos intestins et le diabète de type 2, puisque c'est de ce diabète qu'il s'agit? Eh bien, écoutez, merci tout d'abord de donner ce coup de projecteur sur nos travaux. Nous venons en effet d'être sélectionnés pour notre travail, pour le travail que nous menons sur l'identification de nouvelles bactéries qui pourraient avoir un effet antidiabétique à être utilisées pour le traitement des diabétiques. Alors je pense que vous le savez certainement, et certains de vos auditeurs aussi, que dans le diabète de type 2, qui est une maladie grave, qui touche plusieurs millions de personnes en France et plusieurs centaines de millions dans le monde, on sait que dans ce diabète de type 2, il y a des modifications du microbiote intestinal, c'est-à-dire de la composition des bactéries qui vivent avec nous au sein de notre intestin et qui nous aident à bien vivre. Et on sait qu'il faut que notre microbiote soit en bonne santé pour que l'on soit nous-mêmes en bonne santé. On s'est aperçu que les diabétiques avaient moins de bactéries, c'était moins riche, moins diversifié qu'une personne qui n'est pas diabétique. Exactement, c'est tout à fait ça. Et notre stratégie est d'essayer de trouver des nouvelles bactéries qui pourraient être données à ces patients diabétiques et qui permettraient de restaurer leur microbiote de façon à retrouver un peu mieux de bonne santé. Mais docteur Village, j'ai une question. Comment est-ce qu'on sait que les bactéries sont la cause ou jouent un lien dans l'apparition du diabète et qu'elles ne sont pas la conséquence? On a dû se poser la question, j'imagine. L'œuf, la poule. On se l'est posé et ça reste encore une question ouverte. Mais un certain nombre de travaux menés par des équipes à travers le monde, en particulier des équipes américaines, ont montré par des approches de transplantation fécale, donc c'est un mot un peu qui surprend un peu, mais en fait en utilisant du microbiote isolé à partir de patients diabétiques que l'on a transféré à des... Alors on le fait à des souris, on ne transfère pas bien entendu à des patients, mais transféré à des souris en bonne santé, on était capable de faire apparaître des symptômes de diabète chez ces modèles, chez ces souris. Et donc, de là, il nous semble créer un lien de causalité entre le microbiote et les anomalies du microbiote et le diabète. Mais c'est-à-dire que les souris qui étaient normales, qui étaient saines, une fois qu'on leur a transféré ce microbiote d'humain diabétique, elles sont devenues diabétiques de façon durable? Alors on peut pas faire directement la transposition du diabète de la souris au diabète humain, mais elles ont des stigmates, des marques de diabète, ce qu'on appelle nous l'insulinorésistance ou des marques, des augmentations de la glycémie, qui ne durent pas pendant très longtemps puisque le microbiote se remet en place et le microbiote normal de ces souris se remet en place après quelques semaines. Mais on voit très bien que donner un microbiote altéré à une souris saine est capable de faire apparaître des signes pathologiques. Ouais, incroyable. La science du microbiote, elle est très jeune, il y a énormément de données, on découvre beaucoup de choses. Et là, c'est suffisamment mûr pour que vous vous lanciez dans un essai sur l'homme. Alors, on ne parlera pas de transplantation fécale, c'est ce que vous disiez, on n'en est pas là, mais plutôt d'idée de donner des bactéries, c'est ça l'idée? Donner des bactéries à des patients diabétiques? Racontez-nous ce que vous voulez faire. Exactement. Alors, l'étude clinique que nous envisageons n'est pas encore en cours. On la prévoit dans les 2 ans qui viennent. Pour l'instant, on est dans l'étape un petit peu avant, qui est d'identifier les bactéries qui pourraient avoir les capacités d'aider à restaurer le microbiote et d'avoir des effets antidiabétiques. Alors, c'était un verrou scientifique jusqu'à présent, puisqu'on n'avait pas de stratégie pour identifier ces bactéries. Et nous avons, dans le laboratoire, avec des collègues qui sont des spécialistes de l'étude du microbiote chez les insectes, et en particulier chez la drosophile, nous avons mis au point et breveté récemment un procédé pour sélectionner des bactéries qui auraient un potentiel antidiabétique. Et c'est en fait sur cet outil de sélection et notre capacité à identifier des nouvelles bactéries que nous avons obtenu ce prix de la Fondation francophone pour la recherche sur le diabète. Mais c'est un travail titanesque, parce que ces bactéries, elles sont très nombreuses, mais elles sont aussi très diverses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces de bactéries, on parle de souches dans le cas des bactéries. Alors comment vous faites pour vous y retrouver dans tout cet écosystème de bactéries? Alors, d'une part, il y a des approches de séquençage et d'analyse des bactéries qui sont maintenant bien au point et bien utilisées classiquement dans la recherche. Et puis donc, d'autre part, c'est ce que nous avons mis au point au laboratoire, c'est ce test de criblage qui permet de tester quasiment les bactéries une à une dans des modèles de larves de drosophiles. Donc c'est un modèle de criblage à moyen débit, allons-nous dire, qui permet de sélectionner parmi la multitude de bactéries qui nous intéressent, celles qui pourraient avoir un potentiel antidiabétique. Et vous en êtes où? Vous en avez combien? Donc là, on a isolé une vingtaine de souches nouvelles de bactéries, des souches bactériennes qui n'étaient pas connues pour avoir un potentiel antidiabétique. On les a isolées chez la drosophile et actuellement, on est en train de tester leur potentiel antidiabétique dans des modèles de souris, parce qu'on ne peut pas directement passer de la drosophile à l'homme, bien entendu. Et les mois qui viennent vont être dédiés à la validation de ces souches dans des modèles de souris diabétiques. On espère, d'ici la fin de l'année, au courant de l'année 2019, avoir 2 ou 3 souches bactériennes efficaces chez la souris. Et c'est celles-là que vous allez donner aux patients? Ça sera exactement, c'est celles-ci qui seront données aux patients dans une étude clinique qui est en cours de montage, on va dire, et de préparation, puisqu'il nous faut passer par des étapes d'acceptation par les comités d'éthique, etc. Et on espère faire cette étude clinique fin 2019, courant 2020. Et les drosophiles, ce sont des petites mouches, je le rappelle. Caroline? Exactement. Donc vous allez vous lancer très prochainement sur des essais cliniques, sur des essais sur l'humain, qui pourraient donner des résultats assez rapides. C'est-à-dire l'espoir de voir utiliser des bactéries dans le traitement du diabète, c'est que t'as pas un espoir à très très long terme. Ça peut être rapide. D'ici quelques années, on pourrait changer les pratiques. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on se passerait de médicaments, mais ça voudrait dire qu'on pourrait quand même utiliser des bactéries en plus. Exactement. Je vois que vous avez bien compris la problématique. On ne peut pas aller très vite. On est là pour soigner des patients. On ne peut pas décider juste parce qu'une bactérie marche dans un essai ou dans des études chez l'animal et directement transférer ça à l'utilisation clinique. Donc, il va y avoir, si nos essais pilotes fonctionnent bien, il va y avoir derrière des études cliniques à plus large échelle qu'il faudra mener. Et puis, on peut estimer que d'ici quelques années, 4-5 ans, on puisse développer des solutions contenant ces bactéries qui pourront être utilisées en supplément ou en parallèle des traitements classiques du diabète qui sont utilisés actuellement. Ça se prendra sous quelle forme ces compléments, ces bactéries ? Alors on a deux solutions. On a la solution des gélules de bactéries lyophilisées. Puis la deuxième solution, qui est plus classique par rapport à ce que les gens pensent sur les probiotiques, c'est les utiliser dans des produits, genre par exemple un yaourt ou des produits lactés qui peuvent contenir des bactéries. Une dernière question, Caroline. Oui, je voulais vous poser une question pour le microbiote et pour cette veille de réveillon. Enfin, oui. Est-ce que vous avez des conseils pour qu'on passe un bon réveillon avec notre microbiote, surtout qu'il ne soit pas trop détérioré? Oui. Ça va détériorer le microbiote, les agapes du réveillon? Surtout l'alcool, dirais, et les excès de lipides, de plats enrichis, le foie gras par exemple, etc. Notre microbiote est extrêmement dynamique. Alors ne nous inquiétons pas, c'est sûr qu'après le repas et après les fêtes de la soirée, notre microbiote va en prendre un petit coup. Mais très rapidement, il va revenir à la normale. En quelques jours, tout se remet bien. Il ne faut pas abuser trop, mais je pense qu'on peut profiter quand même du réveillon sans avoir trop de risques au sujet. La merveilleuse résilience du microbiote. Voilà, qui nous invite à réveillonner. Merci Hubert Vidal et bravo pour ces recherches qui vont faire naître, j'en suis sûr, beaucoup d'espoir chez les diabétiques. Alors on le rappelle, c'est le diabète de type 2, hein, vos recherches. Exactement. Merci à vous et bon réveillon. Je vous remercie et très bonne année à vous aussi. Merci, à demain Caroline. À demain. Dans un instant, cap sur les étoiles et le cosmos avec l'astrophysicien Trinh Tran Tuan. Je suis la fille à la Suzuki, la fille qui ne dit pas un mot, la fille qui roule par monts et par vaux. J'aime risquer ma peau, risquer ma vie. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. J'aime mieux faire le plein d'essence que de jouer avec mes sens. Je mets la gomme, je mets les gaz. J'aime mieux ça que d'écouter du jazz. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Quand je suis sur ma Suzuki, ça 160 chrono. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Mettre le pied sur l'accélérateur, c'est mieux que la main sur un cœur. Je préfère être couché sur un guidon plutôt que de l'être avec un garçon. Chérie, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Je suis la fille à la moto, je suis la seule, je suis la un. La visigo, la vie de demain. Je roule dans la vie au grand galop. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. C'était Dany qui chantait La fille à la moto. La tête au carré, Daniel Fievé. Notre univers est un grand illusionniste. Il semble immuable et figé dans le temps. Mais au contraire, il vit de constants bouleversements. Il déploie des forces titanesques qui façonnent à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et toutes ces extravagances cosmiques aboutissent à l'apparition de l'infiniment complexe que nous raconte l'astronomie nous donne cette idée d'un univers gigantesque, un univers dont on ne peut pas mesurer la dimension, mais dont l'étude, grâce à la science contemporaine, peut nous apprendre des choses sur comment tout cela a commencé, sur comment cela va se poursuivre. La voix de l'astrophysicien Hubert Reeves pour ouvrir le dossier de la tête au carré cet après-midi en compagnie d'un autre astrophysicien, Trinh Xuan Tuan, professeur à l'Université de Virginie et chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il publie le dictionnaire amoureux illustré du ciel et des étoiles, une coédition Plomb et Grunt, dictionnaire amoureux. Alors commençons par là, Trinh Xuan Tuan. Quels sentiments, quelles émotions vous procure l'observation d'un ciel étoilé? D'abord, l'harmonie et la beauté. Vous savez, quand je vois les bras spiraux d'une galaxie spirale se profiler dans mon écran de télévision, quand je pointe mon télescope, ou la beauté d'une pouponnière stellaire ou d'un amas globulaire, ça me fait toujours frémir d'émotion, enfin de l'émotion esthétique, et puis d'être connecté à l'univers, parce que justement, je suis connecté à l'univers par la lumière, vous voyez, et je frémis toujours quand je pense que cette lumière est partie il y a des milliards d'années, avant même que les atomes de mon corps soient faits à l'intérieur des étoiles même. Donc il y a une immense connexion cosmique, et puis il y a un sentiment d'unité extraordinaire, parce que bon, l'univers n'est pas chaotique, vous voyez, et ça me surprend toujours que les lois que je découvre sur cette petite Terre, qui n'est qu'un grain de sable dans le vaste océan cosmique, s'appliquent à la lumière qui est partie d'étoiles qui est à plus d'une dizaine de milliards d'années de lumière. Donc il y a une grande unité aussi. Oui, ce sentiment d'harmonie, vous l'évoquiez en disant finalement ces étoiles, ce sont un peu des faut les voir comme des fourneaux de cuisson dans lesquels naissent les atomes qui nous composent. C'est cette fameuse formule très poétique, mais en même temps scientifiquement très juste. Oui, nous sommes des poussières d'étoiles. Oui, tout à fait. Parce que en fait, le Big Bang n'a fait que deux éléments. Vous avez l'hydrogène et l'hélium. Bon, ce sont les deux éléments les plus abondants dans l'univers. Il y a environ 75% de la masse de l'univers en hydrogène et environ 23% en hélium. Mais les 2% qui restent, ce sont des éléments lourds. Des éléments très importants parce que sans ces éléments lourds, la complexité cosmique ne pourrait pas se faire. Nous ne serons pas ici pour en parler. Vous voyez, donc pour former des molécules d'ADN, pour former les centaines de milliards de neurones qui sont entre nos deux oreilles, il faut des éléments beaucoup plus compliqués, plus lourds, avec beaucoup plus de propriétés chimiques. C'est-à-dire le carbone, l'oxygène, tout à fait. Tout ça, ce sont des atomes qui sont nés par la fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles, c'est ça. Ouais. Mais jusqu'au fer seulement. Pour les éléments plus lourds que le fer, comme l'uranium, l'argent, l'or, tout cela s'est fait dans les supernovas, c'est-à-dire des morts explosives d'étoiles massives. Parce que les étoiles massives, disons 10 masses solaires par exemple, ou 20 masses solaires, vivent quelques millions d'années, et puis elles fabriquent les éléments lourds de façon rapide, et puis elles les éjectent dans le milieu interstellaire, dans leur agonie explosive. Donc ce qu'il y a dans ce que vous nous dites, c'est que toutes les étoiles que nous voyons n'ont pas le même âge. Elles ne sont pas toutes nées en même temps. Non. Certaines que nous voyons aujourd'hui sont d'ailleurs déjà mortes. Tout à fait, parce que la lumière met du temps pour nous parvenir. Donc, on voit toujours l'univers avec un peu de retard. Vous voyez, nous voyons la Lune une seconde après, le Soleil 8 minutes après, la plus proche étoile 4,3 années après, la plus proche galaxie semblable à la Voie lactée, qui est la Andromède, 2,3 millions d'années après. Donc, la lumière, par exemple, d'Andromède est partie quand le premier homme marchait sur Terre. Mmh. Ouais, il y a cette idée de machine à voyager dans le temps. Dans l'espace, on regarde dans le passé. On regarde dans le passé, c'est ça. Ouais. Je les appelle toujours des machines à remonter le temps. C'est comme ça que, en regardant plus loin, en regardant plus faible avec de grands télescopes, on regarde plus loin. Et en regardant plus loin, on regarde plus tôt. C'est comme ça que l'astronome reconstitue l'histoire cosmique des 13,8 milliards d'années qui constituent l'histoire de l'univers. Alors, puisque les étoiles naissent et meurent, commençons par le début. Comment naît une étoile? Qu'est-ce qui aboutit à la constitution d'une étoile? Oui, donc ce sont des cycles. Hein, donc, comme les êtres humains naissent, vivent leur vie et meurent, mais seulement sur une échelle de 100 ans. Les étoiles, donc, naissent, vivent et meurent, mais sur des échelles, donc, dépendant de leur masse maintenant. Quand le soleil, par exemple, vous voyez, il vivra 9 milliards d'années en tout, il est à mi-vie maintenant. Donc, il s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, et il lui reste 4,5 milliards d'années à vivre. Alors, si on prend notre soleil, par exemple, comment est-il né? Qu'est-ce qui a abouti à sa formation? Voilà. Donc, il y a eu un nuage interstellaire fait, donc, justement, d'hydrogène et d'hélium fait dans le Big Bang, et puis de tous les éléments lourds fait dans les générations d'étoiles, précédente, le Soleil est peut-être une étoile de deuxième ou troisième génération, vous voyez. Et puis donc, les étoiles précédentes, les explosions précédentes, donc rejettent dans le milieu interstellaire ce gaz composé d'hydrogène, d'hélium et d'éléments lourds. Et ces nuages gazeux vont s'effondrer sous l'effet de la gravité pour former donc des boules gazeuses qui deviennent de plus en plus denses. Et quand le gaz devient de plus en plus dense, il s'échauffe. Et quand ça s'échauffe à plus de 15 millions de degrés, les réactions nucléaires s'enclenchent. Et donc, les réactions nucléaires convertissent donc la matière en énergie. Et donc, il y a un flux d'énergie qui sort donc du centre de ces nuages gazeux. Et qui stoppe donc la gravité et donc les étoiles sont nées. Les boules gazeuses s'allument et les étoiles naissent. Je vous écoute bien, il y a cette notion de cycle. Étoile, elle, en fin de vie, elle explose. Elle dissémine l'univers des petites poussières qui, des poussières et des éléments lourds sous forme d'atomes et qui forment donc des nuages de gaz qui s'effondrent. Sous leur effet de gravité, forment des nouvelles étoiles qui fabriquent donc de nouveaux éléments qui explosent, qui rejettent le milieu interstellaire et pour redonner naissance à une nouvelle génération d'étoiles. Donc ce sont des cycles, comme vous le dites, mais qui sont sur des millions, voire des milliards d'années, plutôt qu'une centaine d'années comme l'être humain. Mais est-ce à dire pour autant que c'est sans fin? C'est-à-dire que ces étoiles qui explosent et font naître de nouvelles étoiles, est-ce qu'il y aura toujours assez de matière et de carburant pour produire cette énergie? Non, ça dépend bien sûr du destin final de l'univers. Alors, s'il y a assez de matière, l'univers va, le Big Bang va se ralentir, la dilatation de l'univers va se ralentir de plus en plus, et l'univers va atteindre un rayon maximum et s'effondrer. On aura un inverse du Big Bang qui s'appelle un Big Crunch. Et donc l'univers va mourir dans un feu infernal, disons. Mais s'il n'y a pas assez de matière, l'univers, l'expansion va continuer jusqu'à la fin des temps. Mmh. Et donc, l'univers deviendra de plus en plus froid, de plus en plus... À la fin, il n'y aura plus de carburant d'hydrogène. Mm-hmm. Et donc, en fait, toutes les étoiles vont s'éteindre, toutes les galaxies vont s'éteindre et l'univers mourra dans une nuit noire glaciale, en fait. Ouais. Il y a plusieurs scénarios, en fait, pour la fin de l'univers. Tout à fait. Tout ça dépend, comme je vous dis, de l'énergie noire, du contenu de l'énergie noire et de la matière noire. Alors... d'après les dernières observations, il n'y aura pas assez de matière pour stopper l'expansion de l'univers. Donc, et surtout que l'expansion, en fait, au lieu de décélérer, est en train d'accélérer grâce à une mystérieuse énergie noire. Alors, on aura l'occasion d'y revenir dans la fin de cette émission à cette mystérieuse énergie noire qui montre qu'on est loin d'avoir tout compris dont est fait notre univers. Oui. Regardons déjà ce que nous arrivons à observer, ce que nous connaissons, un bestiaire cosmique pas croyable, avec des naines blanches, des pulsars, des trous noirs, des quasars. Ils sont tous répertoriés dans votre dictionnaire amoureux illustré du ciel et des étoiles. Alors prenons-en quelques-uns de ces animaux célestes. Le pulsar, qu'est-ce que c'est un pulsar? Un pulsar, c'est une étoile à neutrons. Alors si une étoile a, disons... plus de 1,4 masse solaire, disons. Donc, entre 1,4 et 5 masses solaires. La gravité est tellement grande qu'elle va s'effondrer. Une étoile va s'effondrer jusqu'à un rayon de 10 km seulement, donc de la taille de Paris, vous voyez. Et en s'effondrant à une taille, c'est comme une toupie, elle tourne de plus en plus vite. Et elle émet son rayonnement radio sur comme des faisceaux de phare qui tournent très très très vite Et donc, chaque fois que ce faisceau balaye la Terre, on a un pulse radio. Ouais. C'est pourquoi on l'appelle un pulsar, en fait. Donc, c'est une étoile de neutrons de 10 km environ qui balaye très vite la Terre de son faisceau radio. Ouais. C'est une sorte de radar cosmique. De toupie cosmique. Ouais, de phare cosmique. Tout à fait. Les trous noirs sont fascinants. Alors, il faut bien le dire, ça n'est pas la même chose un trou noir que la matière noire et que l'énergie noire. Ça n'a rien à voir. Ouais. Le trou noir, c'est une prison de lumière et de nouveau c'est créé par la mort des étoiles. Alors, encore plus massif. Vous voyez, maintenant, je vous ai dit que jusqu'à 5 masses solaires, peut-être l'étoile s'effondre en un pulsar, mais disons, les étoiles peuvent devenir avoir des masses de 20, 30, 40 masses solaires. Et ça, même la gravité est tellement forte que rien ne peut stopper l'effondrement et donc ça devient ce qu'on appelle une singularité. La gravité devient tellement forte que même la lumière ne peut plus s'échapper et donc l'espace est tout courbé et si la lumière ne peut pas s'échapper, la matière non plus, parce que la matière bouge moins vite que la lumière. Et donc, ce sont des prisons de lumière et de matière. Et donc, si vous tombez dans un trou noir, c'est un voyage à sens unique, vous ne ressortirez jamais, vous ne pourrez jamais appeler au secours, parce que les ondes radio ne pourront pas ressortir du trou noir. Ce qui est dommage, en quelque sorte, hein, parce qu'on aimerait bien savoir ce qu'il y a au centre, le point central du trou noir. Oui, mais la physique n'arrive pas vraiment à décrire ce qui se passe à l'intérieur de ces objets cosmiques. Ouais, parce que la relativité, perd pied quand la densité devient trop grande. Et donc, quand c'est de la singularité. D'ailleurs, Einstein, vous savez, lui-même, le père de la théorie de la relativité, ne croyait pas au trou noir. Ah mais, oui, mais finalement, on sait que les trous noirs existent. Ils se trahissent par la gloutonnerie. Il y a il absorbe des nuages de gaz chaud d'étoiles compagnes ou qui passent à proximité. Et donc, quand le gaz chaud tombe vers le trou noir, il s'échauffe et émet des rayons X. Et donc, par le rayonnement X, on peut les voir. Nous allons poursuivre notre promenade cosmique avec vous. Nous allons remonter le temps jusqu'au début de l'histoire et nous interroger sur le fameux Big Bang dans un instant pour adresser vos questions à notre invité Trinh Xuân Thuan. Rendez-vous sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr. Avec parano, de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Cette fille sur la photo, jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Te veux, je crois ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, qu'elle est là. Écrasant les premières étincelles, jalousie. Tu agis, mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Te veux, je crois ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, qu'elle est là. Jalousie, jalousie. Et Jalousie, c'était Angèle sur France Inter. La tête au carré, Daniel Fievé. À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. De nulle part surgit une étincelle plus petite qu'un atome. La chaleur qu'elle dégage est des milliards de fois plus intense que celle qui règne au cœur du Soleil. Un simple point, des millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, s'apprête à engendrer l'univers dans une formidable explosion. Le temps est né. Nous feuilletons le dictionnaire amoureux illustré du ciel et de l'espace avec son auteur, l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan. Vous abordez la question du Big Bang et de l'origine de l'univers dans votre livre. Est-ce que la description assez hollywoodienne que l'on vient d'entendre vous convient ? Oh, pas tout à fait quand même, mais il y a des points qui sont justes, c'est-à-dire on pense qu'il y a eu un début dans l'univers dans le temps, voyez, mais c'est parti peut-être pas d'une étincelle, mais d'un vide, mais pas des nuées de tout, mais un vide rempli d'énergie. Puis l'énergie donc s'est transformée en matière, donc protons et neutrons, et les protons et neutrons s'assemblent en atomes, en molécules, etc., pour former des étoiles, des galaxies, des planètes, et de fil en aiguille jusqu'à la vie et la conscience sur cette troisième planète dans le système solaire à partir du Soleil. C'est assez vertigineux quand on y pense, de se dire que tout ça est né de rien, ou presque, puisque vous nous dites au départ, il n'y avait que de l'énergie. Mais quand vous nous dites ça, est-ce que vous vous représentez quelque chose dans la tête ? Comment on imagine un vide, un rien fait d'énergie ? Oui, bon, je représente peut-être des équations physiques. Enfin, c'est les équations la relativité et la mécanique quantique en fait doivent être unifiées pour comprendre ce qui s'est passé dès le début. Et pour l'instant, elles ne le sont pas. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle un mur de la connaissance, un mur de Planck, un temps infiniment petit. Vous voyez, 10 puissance moins 43 secondes, mais on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être même la notion de temps et d'espace n'existe plus qu'il y a au-delà de ce mur de Planck. Donc il faut vraiment arriver à unifier ces deux théories, et pour l'instant avoir une théorie de gravité quantique, et pour l'instant on n'y arrive pas encore. Alors, ce que vous appelez le mur de Planck, c'est évidemment une vue de l'esprit, il n'y a pas de mur dans l'univers, mais c'est quand on remonte dans un le mur temps, de la connaissance, en arrière, à un moment, à une fraction de seconde infinitésimale avant le début, on la ne physique, voit plus, on ne sait plus ce qu'il y a. On ne sait plus, la physique perd pied, on ne sait plus. Donc, je ne dis pas qu'un jour, le mur ne va pas être franchi, mais il faut peut-être un nouveau Einstein. Pour l'instant, on est bloqué là-dessus. Einstein lui-même voulait unifier, vous voyez, l'électromagnétisme avec la gravité, mais il n'a pas réussi. Et puis, les efforts depuis maintenant 100 ans, par tous les physiciens, n'ont pas réussi non plus. Alors, depuis cet instant, ce Big Bang, on nous dit, on entend cette phrase régulièrement, l'univers est en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que l'univers est en expansion ? C'est-à-dire l'espace se crée, justement, vous voyez, au début, tout était en ce point, justement, infinitésimalement petit. Et puis, il y a eu une grande déflagration. Et l'espace se crée. Maintenant, toutes les galaxies s'éloignent de moi. Quand je vais au télescope, je sais qu'elles s'éloignent de moi parce que toute leur lumière des galaxies lointaines est décalée vers le rouge. Et ça veut dire que la galaxie s'éloigne de moi. Elle s'éloigne d'autant plus vite qu'elle est plus distante. Donc, les galaxies qui sont très, très lointaines s'éloignent proche d'une vitesse proche de celle de la lumière. Sauf une, puisque la galaxie d'Andromède, on est censé entrer en collision jour avec... J'ai bien précisé, galaxies lointaines. Ouais. C'est vrai que les galaxies proches, comme Andromède par exemple, c'est vrai qu'il peut avoir des mouvements aléatoires qui sont plus grands que le mouvement d'expansion, et donc qui fait qu'elles tombent. Mais toutes les galaxies lointaines, si vous allez, disons, plus de 10 millions d'années-lumière, vous verrez donc toutes les galaxies s'éloigner de vous. Alors, les galaxies s'éloignent, ou est-ce que c'est l'espace qui se dilate. C'est l'espace qui se dilate. Ça c'est vrai. Vous devez pas penser que ce sont des galaxies qui bougent dans un espace statique. Mais c'est l'espace dynamique qui devient de plus en plus grand. L'espace est créé constamment. Il y a de plus en plus d'espace entre les galaxies. Alors vous avez une très bonne image pour qu'on se représente ça. C'est ça. Soit vous avez un ballon sur lequel sont collés des morceaux de papier qui représentent les galaxies. Quand vous soufflez sur le ballon, les morceaux de papier s'éloignent les unes des autres, voyez. Mm-hmm. Et il faut justement pas se demander où est le centre de l'univers, parce qu'en fait, dans cette image, l'univers est seulement sur la surface du ballon seulement. Le centre n'est pas sur cette surface, donc il n'y a pas de centre. Mmh. Tout est centre, donc rien n'est centre. Ouais. Et si vous allez sur Andromède, vous verrez toutes les galaxies s'éloigner d'Andromède aussi. Ouais. Alors, l'autre image, c'est le pain au raisin qui gonfle, et les petits raisins, tout ce sont les galaxies. Voilà, tout à fait. Oui. On le voit bien, hein, ce pain, on imagine bien la... Oui, c'est ça. Et tout le mouvement vient de la pâte qui gonfle, pas des raisins qui s'éloignent les unes des autres. Voilà. Être astrophysicien, c'est parfois se poser des questions toutes simples, comme par exemple, pourquoi la nuit est-elle noire? Et pourquoi la réponse à cette question n'est pas triviale? Et les plus grands scientifiques comme Kepler, Newton se sont interrogés à ce sujet. Tout à fait. Parce que vous savez, on pensait au début que l'univers était infini, parce qu'il y a aussi des paradoxes si l'univers était fini. Newton pensait que l'univers était infini et Kepler aussi, parce que si un univers infini devait contenir une infinité d'étoiles, et ça veut dire que où qu'on le regard doit toujours rencontrer la surface d'une étoile, et donc la nuit devrait apparaître aussi brillante que le jour. Et ce n'est pas le cas. Il devrait y avoir des étoiles partout où que l'on regarde, dans n'importe quel point. Voilà. Donc de la lumière partout. De la lumière partout, même quand le soleil se couche, qui donne la nuit. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc il y avait justement ce paradoxe. Et donc, les gens disaient une solution, c'est que il y a quelque chose qui absorbe dans la lumière des étoiles lointaines. Mais ça, c'est un faux argument, parce que tout ce qui est absorbé est réémis. Donc, ça se perd pas non plus. Et donc, la nuit devait être aussi brillante. Et finalement, en fait, vous savez, c'est un poète, Edgar Allan Poe, américain, père du roman policier, qui a trouvé la solution, ouais. En fait. On va écouter un extrait du poème d'Edgar Allan Poe. Donc son poème s'intitule Eureka. Il a été écrit en 1848. Si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme, comme celle déployée par la galaxie, puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'existât une étoile. Donc, dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan invisible, placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'ait jamais pu parvenir jusqu'à nous. Trinh Xuân Thuan, il avait vu juste Edgar Allan Poe. Tout à fait. Vous voyez, la solution, c'est que l'univers n'était pas fini dans l'espace, mais fini dans le temps. C'est-à-dire qu'il a eu un commencement. Et maintenant, c'est ce que exactement la théorie du Big Bang nous donne. L'univers a un âge fini, donc pas un âge infini. Donc, il a commencé il y a 14 milliards d'années, 13,8 milliards d'années pour être exact. Et donc, il faut que la lumière, si une source et dont la lumière est partie il y a plus de 13,8 milliards d'années, vous voyez, elle n'aura pas eu le temps de parvenir, parce que l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Mmh. Donc, même si il y a des sources lumineuses derrière, nous ne les voyons pas, la nuit apparaît noire, parce que la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir. Mmh. Vous voyez, donc maintenant, en fait, l'univers observable n'est pas tout à fait 13,8 milliards d'années-lumière, mais 47 milliards d'années, parce qu'en fait, à cause de l'expansion de l'univers, vous voyez, cette galaxie qui est à 47 milliards d'années-lumière maintenant, sa lumière est partie il y a 13,8 milliards d'années. Donc, elle peut nous parvenir, mais à cause de l'expansion de l'univers, elle s'est éloignée, donc maintenant elle a 47 milliards d'années-lumière. Trinxanthan, vous avez commencé votre carrière d'astrophysicien il y a un peu plus de 40 ans. Votre façon de regarder l'univers a-t-elle évolué entre vos premières observations et aujourd'hui ? Évoluer de façon que peut-être que je me suis plus penché sur la métaphysique des choses aussi, vous voyez. Au début, je formais seulement, j'essayais de trouver des lois physiques, etc., qui réglaient l'univers. Mais finalement, je me suis aventuré dans la métaphysique aussi. Faire un pari à la Pascal, vous voyez, parce que pour voir. Est-ce que pour essayer d'avoir une réponse à la question si l'univers est tellement beau, harmonieux et que l'unité, il y a cette unité des lois, est-ce que c'est par hasard ou par nécessité? Est-ce qu'il y a un principe créateur qui règle les choses dès le début, hein? Donc j'ai beaucoup réfléchi sur ça, en dehors de mes découvertes scientifiques. Vous avez laissé entrer une certaine spiritualité dans votre approche du monde. C'est ça, exactement. Et donc, bien sûr, est-ce qu'il y a eu... j'appelle un principe créateur. Je suis bouddhiste et donc il n'y a pas de concept de Dieu, d'un Dieu barbu, personnifié, etc., dans le bouddhisme. Mais je parie à la Pascal qu'il y a eu un principe créateur dès le début qui règle les choses de façon extraordinaire et qui se manifeste maintenant dans les lois de la physique. Donc, ce n'est pas un dieu personnifié qui s'occupe des affaires quotidiennes des humains, mais qui se reflète donc dans la beauté et l'harmonie de l'univers. Vous voyez, c'est un principe panthéiste à la Spinoza et à la Einstein. Ouais. Voilà. Quel regard portent vos collègues astrophysiciens sur cette place que vous laissez à la poésie, à l'art, à la spiritualité dans vos recherches, dans votre approche du monde ? Approche du monde. Bon, au début, peut-être j'étais un peu critiqué parce que, il y a certains de mes collègues qui disent qu'il faut des parois imperméables entre tous ces domaines et qu'un scientifique ne doit que parler que la science. Moi, je dis, je réponds maintenant, et je pense maintenant, après beaucoup de mes ouvrages, mes collègues sont habitués maintenant à mon approche, c'est qu'un auteur, un scientifique, se pose aussi des questions philosophiques, métaphysiques. Il est aussi ému par la poésie et l'art. Et donc, ce sont tous des fenêtres complémentaires qui enrichissent le réel. Donc, pourquoi les couper les unes les autres, les cantonner les unes les autres? Il faut pas mélanger les genres, bien sûr. Hein. Je suis pas pour qu'on dise le bouddhisme n'a pas besoin de la théorie du Big Bang, par exemple. Il existe depuis 2500 ans. La théorie du Big Bang n'existe depuis que 1965. Donc, chaque vue complémentaire du réel enrichit l'homme et lui permet d'approcher la vérité. Dans la dernière partie de l'émission, nous allons nous intéresser à l'énigmatique matière noire qui composerait la majeure partie de la matière dont est fait notre univers, mais dont nous ne savons rien. Pass Hour, c'était Mormor sur France Inter. La programmation musicale est signée Thierry Dupin. La tête au carré, Daniel Fievé. La matière noire ne ressemble à rien de ce que nous connaissons sur Terre. À chaque seconde, des milliards de ces étranges particules traversent tout ce qu'elles rencontrent. Elles sont tellement massives qu'elles ont le pouvoir d'influencer les galaxies, leur formation et la vitesse à laquelle elle tournoie. Invisible, la matière noire est partout présente, ou en tout cas, c'est ce qu'il semble. Nous poursuivons notre vagabondage cosmique en compagnie de l'astrophysicien Trinh Xuân Thuan qui a publié aux éditions Plon et Grund le dictionnaire amoureux illustré du ciel et des étoiles. Votre ouvrage est aussi l'occasion de prendre la mesure de tout ce qui échappe encore à nos télescopes et à notre compréhension. Par exemple, les scientifiques sont très excités à l'idée de peut-être parvenir à détecter cette énigme, cette énigmatique matière noire qui composerait une bonne partie de notre univers. Alors, 25%. Combien ? 25%. Si on compte l'énergie noire également ? Non, l'énergie noire, c'est de l'ordre de 70%. Ouais. Donc, il y a 95% du contenu de l'univers dont on connaît aucunement la nature. Qui nous échappe. Donc, c'est incroyable. La nature nous remet à notre place. Malgré toute notre connaissance, tous nos progrès, 95% de la nature, l'univers, nous échappe encore. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous pousse ou pousse les astrophysiciens à croire, à penser qu'elle existe, cette matière noire? Oui, cette matière noire, justement, c'est d'abord, ça influe les mouvements des étoiles dans les galaxies. Alors, si les étoiles tournent assez vite, par exemple, notre Soleil, par exemple, tourne 220 km autour du centre de la Voie lactée, alors, elle tourne assez vite pour que pour générer une force centrifuge qui est assez grande. Alors, s'il n'y a pas assez de force de gravité pour la retenir, les galaxies se disloqueront. Mm-hmm. Et donc, les galaxies ne se disloquent pas. Donc, on sait qu'il faut de la matière noire invisible qui exerce la gravité pour être là. Et puis, donc, les mouvements des galaxies, dans les amas de galaxies aussi, nous disent ça. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la matière noire. Et la matière noire exotique, parce qu'on sait que ce n'est pas des protons et des neutrons, la matière qui est compose cette table. Qui nous entoure ou qui nous constitue. Qui nous constitue, voilà. Mm. Donc, ce qu'on appelle la matière noire exotique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est quelque chose comme 70% du contenu de l'univers. Et ça, c'est de nouveau une sorte d'énergie mystérieuse qui exerce une force, non pas comme la gravité, qui est attractive, mais répulsive, voyez. Et donc, qui fait que l'expansion de l'univers, au lieu de décélérer, est en accélération. On l'a découvert ça au siècle dernier, et voilà, donc on ne connaît pas, faute d'informations, on l'appelle l'énergie noire, mais elle est tout à fait mystérieuse encore. Ouais. On ne sait pas du tout de quoi elle est faite, on essaye de la détecter, à ce jour, nous n'y sommes pas parvenus. C'est-à-dire on la détecte à travers donc l'accélération, l'expansion de l'univers. On sait que 70% du contenu de l'univers est composé de cette énergie répulsive. Mais on ne connaît aucunement sa nature et comment elle est venue, son origine, etc. Ouais. Alors il y a des questions d'auditeurs qui sont intrigués par cette discussion. On évoquait en début d'émission la fin du scénario. Comment finira notre univers? C'est François qui vous pose la question. Dans le cas d'un Big Crunch, l'idée d'un Big Bounce. Alors ça, c'est oui. Le Big Crunch, il faut expliquer chaque terme. Big Bounce, c'est-à-dire un rebond, vous voyez. Et ça sera, c'est un Big Crunch, l'univers est tout petit, et puis ça repart un nouveau Big Bang. Donc, il rebondit, c'est-à-dire un Big Bounce. Ouais. Alors, Big Crunch, c'est l'effondrement, c'est-à-dire voilà, c'est l'univers s'effondre sur lui-même. Et on a un inverse du Big Bang, et donc tout redevient particules, vous voyez, les étoiles, les galaxies se fusionnent de nouveau, perdront leur identité, ça redeviendra une purée de particules élémentaires dans un milieu extrêmement chaud et dense. Voilà, donc c'est l'inverse du Big Bang en quelque sorte. Et là, c'est l'éternel recommencement, ça veut dire après l'expansion, on se ratatine sur nous-mêmes. Oui, c'est une théorie. Ouais. Voilà, c'est une théorie qui peut être, c'est une des solutions d'Einstein. Hein. Donc vous savez, tout ça se passe après le mur de Planck. Donc en fait, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas s'il y aura un Big Bang ou non, parce que il faut franchir ce mur de la connaissance dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Alors toujours François qui vous demande si l'univers s'étend, dans quel milieu évolue-t-il? Qu'est-ce qu'il y a autour de l'univers? Justement, il n'y a rien autour, parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a un espace préexistant dans lequel l'espace créé par le Big Bang s'additionne. Vous voyez, c'est l'espace se crée en même temps. Et donc, il n'y a rien autour, en fait. Ouais, c'est ça. L'esprit humain est chahuté par toutes ces notions. On a du mal à imaginer. C'est pas intuitif, ça, c'est vrai. Le rien. Alex vous demande, d'un point de vue spéculatif, quelle est votre idée des multivers? Alors, les multivers, c'est l'idée que nous ne sommes qu'un univers parmi beaucoup d'autres. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des scénarios, justement, de physique qui dit ça. Par exemple, vous savez, on pense qu'un univers est parti d'un état inflationnaire, c'est-à-dire une expansion exponentielle dès les premières fractions de seconde et début. Alors, on pense qu'il y a des physiciens qui proposent que chaque point de l'espace s'inflate. Il y aura une infinité de bulles univers dans un méta-univers. Et puis, bon, il y a aussi ce qu'on appelle la théorie des branes, c'est-à-dire l'univers est dans un brane et des branes se collisionnent pour former un Big Bang et donc s'il y a plusieurs branes, il y a plusieurs multivers, etc. Donc il y a des théories physiques qui parlent du multivers. Mais pour moi, le problème, moi qui suis un observateur, on peut jamais, vous savez, observer un multivers. C'est ça le problème. Ouais. Je vous ai dit que tout à l'heure, il y a un horizon cosmique dû à la vitesse de la lumière, on parlait de Edgar Allan Poe à ce propos, et donc on peut rien voir au-delà de l'univers observable. Alors observer des univers parallèles, des univers multivers, ça va être difficile. Mais bon, je réserve mon opinion. Moi, étant un observateur, j'attends le verdict des observations. Si un jour on peut détecter vraiment, par exemple dans le rayonnement fossile de l'univers, des traces d'un autre univers, ce sera bien, mais pour l'instant, il n'y a rien d'observationnel. Ouais. Alors, dans le domaine de la recherche de la vie également, alors on n'a plus beaucoup de temps, mais en 20 secondes, vous qui avez observé l'univers, quelle conviction vous avez acquise à ce sujet? Est-ce que nous sommes une exception ou un exemple parmi tant d'autres? Je pense que nous sommes probablement pas les seuls dans l'univers. Ce sera très très étonnant si nous sommes les seuls. Vous voyez, il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers et chacune de ces galaxies contient des centaines de milliards de soleils. Alors si un soleil contient 10 planètes, vous voyez, il y a des milliards et des milliards de planètes. Et donc les lois de la physique étant universelles, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que les lois biologiques peut-être aussi, je pense que ce sera très improbable que nous soyons les seuls dans l'univers. Merci Trinxen Tuan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le dictionnaire amoureux illustré du ciel et des étoiles, aux éditions Plon et Grund. Et puis je rappelle que juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel, bien sûr, pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Il était une fois Walt Disney. Merci à vous Trinxen Tuan. Merci de m'avoir invité.